les hommes aux semelles de vent. Itinérance en Méditerranée. Grande traversée. Aude-Émilie Judaïc et Thomas Duther. VIe siècle avant Jésus-Christ. Phocée, cité grecque sur la rive asiatique de l'actuelle Turquie. Contraints par l'exiguïté et la maigreur de leurs terres, les Phocéens pratiquent la mer avec plus d'ardeur que la terre. Ils gagnent leur vie en pêchant, en commerçant, et même souvent en pratiquant la piraterie. Osant un jour s'avancer en direction du rivage ultime de l'océan, ils arrivèrent dans le golfe gaulois, à l'embouchure du Rhône. Là, ils fondèrent Massalia. Voici comment nous est parvenue l'histoire de la fondation de Marseille, première colonie grecque en Méditerranée occidentale. Suivront ensuite Avignon, Antibes ou encore Nice, autres exemples de cités phocéennes. Encore aujourd'hui, Marseille, la plus ancienne ville de France, a des similitudes frappantes avec la métropole qui la fit naître, dorénavant située en territoire turc. C'est pourquoi vers 10h, nous comparerons notre vision moderne des frontières culturelles et géographiques avec celle des Grecs anciens. Pour en parler, je recevrai l'historien François Hartog et la cofondatrice de l'association Migre Europe, Claire Rodier. Mais pour l'heure, faisons voile avec les premiers colons grecs qui, au 8e siècle avant notre ère, quittèrent leur terre natale pour s'installer sur le pourtour méditerranéen et les bords de la mer Noire. Au contact de ces populations inconnues, les Hellènes inventeront le terme « barbare », qui à l'origine désignait simplement tout homme ne parlant pas grec. Tout de suite, redécouvrons l'Odyssée grecque avec Claude Calam, anthropologue. Athéna, Dionysos, Καρχιδόνα, Μασσαλία, Σιρακούσες, Μεσόγειος, Τρίτον, Τρίτονας. L'aurore brillante éclairait de ses feux naissants les sommets du mont Pélion, et les flots de la mer se balançaient doucement au souffle d'un vent léger. Soudain, le rivage retentit d'un bruit affreux, au milieu duquel une voix sortie du vaisseau se fit entendre. Αργοναύτες, μην αργείτε. Η περιπέτεια σας καλή. Ξεκινήστε. Όσο είναι καιρός, ξεκινήστε. C'était Minerve. Ταράζεται η θάλασσα. Qui pressait elle-même le départ. Frappés de ce prodige, les argonautes entrèrent promptement dans le vaisseau. Déjà, on retire les câbles et on fait sur la mer des libations de vin. Jason détourne du rivage de sa patrie ses yeux baignés de larmes. Tels les jeunes gens qui, dansant au son du luth autour de l'autel d'Apollon, frappent en cadence la terre d'un pied léger. Tels les compagnons de Jason, au son de la lyre d'Orphée, frappent tous ensemble les flots de leurs longs avirons. La mer est agitée, l'onde écume et frémit sous leurs puissants efforts. Les armes étincellent aux rayons du soleil. De longs sillons blanchissants marquent la trace du navire. Tous les dieux, attentifs à ce spectacle, voient avec complaisance du haut de l'Olympe voguer sur les flots les plus vaillants des héros issus de leur sang. l'histoire de ce que nous appelons la colonisation grecque, cette histoire se laisse reconstruire sur la base de trois types d'informations. Il y a d'abord l'historiographie antique, il y a naturellement l'archéologie moderne, avec des fouilles qui ne sont évidemment pas du tout systématiques, puisque les lieux touchés par ces différents mouvements coloniaux sont extrêmement importants. Et puis, ce sur quoi nous allons sans doute concentrer notre attention, les récits poétiques grecs, ces mythes, entre guillemets, de fondation de colonies. Νόστον δίζιε με λιδέα φέδι μοδισέ, τον δέτη αργαλέον θύση Θεός, ούγαρ ιο λύσιν ενωσίγεον ότι κότον ένθετο θυμού χώμενος, ότι οι ιόν φίλων εξαλάωσας. On peut, en ce qui concerne la Grèce, distinguer trois grands mouvements migratoires. D'abord, ce mouvement de colonisation qui va retenir ici notre attention, que j'appellerais plutôt un mouvement d'établissement, puisque le terme grec pour la colonisation, c'est oikizein, c'est-à-dire un terme qui est fondé sur le terme oikos, qui signifie la maison, la maisonnée, et la maisonnée naturellement avec son économie. Et c'est bien ce dont il s'agit d'établir en dehors de la Grèce continentale, sur tous les pourtours de la Méditerranée, de la mer Noire également, des petites maisons grecques, en fait des petites cités grecques. Donc ce grand mouvement de colonisation qui s'étend du 8e jusqu'au 6e siècle, avant notre ère, ce qu'on appelle la période archaïque. Et puis ensuite, la période classique, dominée par l'hégémonie d'Athènes. Et l'hégémonie d'Athènes, essentiellement sur le bassin de la mer Égée, avec un renforcement de ces premiers établissements coloniaux, mais en raison des guerres médiques, en raison des menaces que le pouvoir perse fait peser sur la Grèce continentale elle-même, on est plutôt sur la défensive entre le 5e et le 4e siècle. Et puis, ensuite, il y a naturellement l'intervention d'Alexandre avec, dès la fin du 4e siècle, ce qu'on a appelé les grandes conquêtes d'Alexandre. Il s'agit là pas du tout de colonisation au sens où on l'entend habituellement, ce qui provoque une espèce d'hellénisation de tout le bassin méditerranéen, enfin de la Méditerranée orientale, essentiellement en Égypte, ou avec pour centre naturellement l'Égypte, cette Méditerranée orientale qui ensuite, second mouvement, après avoir été hellénisée, sera naturellement romanisée. Au-devant du détroit de la mer Ionienne, les Argonautes étaient accompagnés d'un vent frais qui les faisait avancer avec rapidité. Mais leur destin était de n'arriver en Grèce qu'après avoir souffert bien des maux sur un rivage éloigné. Déjà voguant à pleine voile, une tempête excitée par le vent du nord les poussa tout à coup dans la mer de Libye. Là, après avoir été le jouet des flots pendant 9 jours et 9 nuits, ils furent jetés dans la Syrte, golfe d'où ne sortent jamais les vaisseaux qui ont été forcés d'y entrer. C'est ici qu'autrefois, Apollon transporta la belle sirène. Armée de ses flèches d'airain et d'un glaive meurtrier, la belle chasseresse aimait combattre les hôtes féroces des bois. Elle assurait ainsi au troupeau de ses pères une douce et longue tranquillité pendant les ténèbres de la nuit. Un jour, Apollon la surprit luttant contre un lion en fureur. Aussitôt séduit par ce spectacle, il décida d'enlever Cyrène et de la prendre pour épouse. Il l'emmena alors dans son char d'or à travers les flots, jusque dans les délicieux jardins de Jupiter. Un seul et même jour unit les deux époux. Pour prix de ses faveurs, Apollon accorda à Cyrène l'immortalité et le règne sur les florissantes campagnes de Libye. De lui, la nymphe chasseresse eut deux fils, le devin Idmon et Aristée qui cultive l'olivier, fait du fromage et s'occupe des abeilles pour le bien des hommes. Plus tard, la ville prit le nom de Cyrène. Les Grecs eux-mêmes parlent de sténochoria. Sténochoria, c'est-à-dire donc le manque de terres agricoles. Et cette sténochoria est sans doute produite par l'accroissement démographique dans des petites cités qui se développent précisément pendant cette période. Et de ce point de vue-là, il faut tenir compte du fait que la Grèce continentale, comme vous le savez, est particulièrement montagneuse. Hein, peu de régions fertiles. Il y a l'Attique, la petite plaine de Sparte. Et ce qui était sans doute l'objectif de ces premiers colons, c'était les grandes plaines à blé de Sicile d'un côté, et puis dans la mer Noire également des surfaces qui se prêtaient extrêmement bien à l'agriculture. Et le problème social, le problème politique qui se pose en Grèce dans le développement de ces petites cités, c'est celui de la répartition des terres, puisque le statut du citoyen soldat est attaché à la possession d'un lot de terres, de quelques esclaves aussi qui la travaillent. Une autre des raisons qui est alléguée, dont parlent d'ailleurs même ces différents mythes de fondation, c'est la pauvreté. Et la pauvreté provoquée par des problèmes d'ordre climatique, sécheresse, et par conséquent, disette extrêmement importante. Autre raison alléguée, c'est naturellement l'extension du commerce. Hein. Si bien que, d'ailleurs, les historiens, dans cette grande période d'expansion migratoire, distinguent deux périodes, une colonisation agraire, dans un premier temps, et puis, ensuite, une période de colonisation commerciale, économique. Et c'est dans ce contexte-là que se situe, par exemple, la colonisation par Phocée. Phocée qui est donc une petite cité de la côte ionienne de la mer Égée, de la côte asiatique, en fait, de la mer Égée, vers Marseille. Et ce qui est en cause ici, ce sont naturellement les denrées alimentaires, mais pas seulement les denrées alimentaires, aussi les matières premières. Les matières premières, déjà, dirais-je. Dans un premier temps, il s'agit plutôt d'établissements de comptoirs, mais rapidement, ces comptoirs se développent en petites cités avec leurs institutions propres. Et puis, ultime raison encore, les situations de guerre, exactement comme dans l'immigration moderne, par exemple à Corinthe, à l'occasion de la prise de pouvoir et finalement de l'exil d'une famille de Corinthe, a lieu la fondation de Syracuse, qui devient ensuite, au 5e siècle, une cité florissante, qui va d'ailleurs elle-même fonder des colonies en Sicile. Et puis, il y a naturellement aussi les menaces externes, représentées notamment par le développement de l'Empire perse. Au début du 5e siècle avant notre ère, la Perse est la plus grande puissance de l'échiquier mondial. Son immense empire s'étend de l'Inde à l'est jusqu'à la Turquie à l'ouest. mais sur sa frontière occidentale, la minuscule démocratie athénienne gagne du pouvoir. Athènes sera la proie des flammes et du redoutable dieu de la guerre. Athéniens, fuyez jusqu'aux extrémités de la terre, bien que tout vous sera pris. N'attendez pas sans bouger la cavalerie et l'armée de terre qui arrive du continent. Reculez, tournez le dos. Un jour viendra, vous pourrez de nouveau tenir tête. Les Argonautes entrèrent dans le rapide détroit du Bosphore et abordèrent le lendemain les côtes de la Bithynie où Phinée faisait sa demeure. Apollon lui avait accordé depuis longtemps le don de prévoir l'avenir. Phinée leur annonça donc la route qu'ils devaient suivre pour arriver au terme de leur navigation. Écoutez, mes amis, ce qu'il m'est permis de vous apprendre. Car Jupiter me défend de vous révéler entièrement tout ce qui doit vous arriver. En quittant ce rivage, vous verrez à l'extrémité du détroit deux rochers que jusqu'ici nul mortel n'a pu franchir. Ils sont mobiles et se réunissent souvent pour n'en former qu'un seul. L'onde agitée s'élève alors en bouillonnant au-dessus de leur cime, et le rivage retentit au loin du bruit de leur choc. Si, ayant évité la rencontre de ces rochers, vous entrez heureusement dans le pont Euxin, naviguez à droite le long de la Bithynie. C'est là qu'on trouve un chemin qui descend aux enfers. Continuez, vous aborderez ensuite une île déserte. Deux reines des Amazones y firent autrefois construire un temple de pierre en l'honneur du dieu Mars. Au-delà de l'île, différents peuples habitent le continent. Vous trouverez successivement les Philyres, les Macrons, la nation nombreuse des Béchirs, celle des Sapirs, les Bizères. Enfin, les belliqueux habitants de la Colchide. Naviguez toujours jusqu'à ce que vous soyez parvenus à l'extrémité la plus reculée de la mer. C'est là, loin des campagnes de Circé, que vous découvrirez le palais des Thèses et la forêt consacrée à Mars, dans laquelle la toison d'or est suspendue en haut d'un chêne. Naturellement encore mentionné en Grèce une tradition du voyage, une tradition de l'exploration. C'est cette tradition du voyage et de l'exploration qui est illustrée par le Nostos d'Ulysse, c'est-à-dire le retour d'Ulysse de la guerre de Troie, avec ce voyage évidemment entièrement fictionnel qui couvre tous les pourtours de la Méditerranée. plus lisse. Tu désires retourner heureusement dans ta patrie, mais un immortel te rendra ce voyage difficile. Je ne pense pas que tu puisses jamais échapper au redoutable Neptune, le dieu des flots, est furieux contre toi. Pourtant, tu arriveras dans Ithaque après avoir souffert bien des maux. Lorsque, échappé aux fureurs de la mer et dirigeant ton beau navire, tu reviendras dans ta patrie et tu reverras l'île d'Ithaque. L'Iliade et l'Odyssée sont devenus les textes exemplaires, ou les poèmes exemplaires, déjà dans la tradition grecque. L'enseignement du grec dans les écoles, l'enseignement de base, était fondé sur la récitation, sur l'apprentissage des poèmes homériques, en particulier l'Iliade et l'Odyssée. Et donc c'est entré déjà dans le canon, disons, de la culture et de la poésie grecque. Nos ton visie melidea fedim odysseph, ton deti argaleon thysi theos. Pourquoi est-ce que Hélène, pourquoi est-ce que Thésée, pourquoi est-ce que Achille sont devenus des figures exemplaires, et non seulement des figures exemplaires pour nous, mais des figures qui provoquent encore la création du point de vue du théâtre, la création poétique naturellement, on les retrouve naturellement, la création iconographique, on retrouve et jusque dans la filmographie, pensez au film Troy, de triste mémoire d'ailleurs, d'une part, pensez aussi à la publicité qui constamment réutilise ces figures. Mais ça, c'est tout le problème d'une tradition et de l'impact d'une tradition dans une culture contemporaine. Pourquoi ces figures-là et pas d'autres figures? Pourquoi cette civilisation-là et pas d'autres civilisations? Mais c'est le phénomène auquel j'assiste et qui m'interroge, moi aussi. Thanatos de ti exalos afto avlichros malatis elevsete os que se pefni. On a voulu présenter Ulysse comme un héros proto-colonial. Je pense qu'il appartient bien encore à ce monde qui est un monde en grande partie fictionnel, c'est-à-dire que c'est un monde d'ordre poétique. Quoi qu'il en soit, Ulysse ne rencontre pas uniquement des monstres. Alors il y a bien les cyclopes qui sont anthropophages d'un côté, qui ne connaissent pas non plus la consommation mesurée du vin avec toutes les conséquences que nous savons. Alors les cyclopes sont présentés dans leur comportement à l'égard d'Ulysse et de ses compagnons comme des sauvages. Mais Ulysse arrive aussi chez Circé. Circé, la magicienne, sans doute, Ulysse séjourne aussi chez les Phéaciens. Et les Phéaciens connaissent un régime royal, ils reconnaissent l'autorité de Poséidon. La société des Phéaciens a été présentée comme une espèce de société utopique. Ils respectent les règles de l'hospitalité et ils les respectent si bien que ce sont même eux qui vont prendre en charge le retour d'Ulysse à Ithaque. C'est-à-dire que, avec les voyages d'Ulysse, on a l'impression que on essaie de mesurer, de confronter l'auditeur de l'Odyssée à différents types de civilisations, à différents types de cultures qui vont du plus sauvage au moins sauvage, qui vont de ce qui se rapproche le plus du comportement animal avec au contraire ce qui se rapproche le plus du comportement des dieux eux-mêmes. Thank you. ce ne sont pas des œuvres de propagande qui favoriseraient la migration. En revanche, ce sont des récits de propagande en ce qui concerne l'affirmation et l'affirmation identitaire, à la fois politique et culturelle, de la colonie elle-même, ou de la cité coloniale elle-même. Une cité coloniale, donc, qui se définit autant du point de vue de l'organisation de l'espace que du point de vue de son organisation politique comme autonome et autonome par rapport à la métropole. Ce qui est en général, en revanche, repris de la métropole, ce sont les cultes. Et on insère dans ces cultes un culte héroïque qui est le culte du fondateur. Et c'est ce qui, du point de vue, disons, religieux, donne l'identité de la cité coloniale elle-même, à Cyrène même, Batos, le fondateur historique. La fondation date de 632, avant l'ère chrétienne. Et au bord de l'agora s'élevait un tumulus, et ce tumulus représentait le tombeau de Batos, qui était l'objet d'un culte. Il est même décrit dans une pythique, dans un poème de Pindare, qui décrit l'allée qui traverse la ville, qui conduit à l'agora. Et Pindare nous dit que Batos y règne à la proue du navire. Donc il est bien considéré comme le capitaine de cette cité, considérée comme un navire, dans la mesure évidemment où c'est une cité coloniale. Φάτε επιφωνήν ήλθες, άναξτε φίβος Απόλλων εσλιβήν πέμπη μιλοτρόφων οικιστήρα, ως δεκέν εσλιβήν πολύρα των ύστερων έλθει, γάς αναδεωμένας, με τα ύποκα θα μη μελήσιν, επίμεν τέσσερας βάτους και άρκες ήλαιος τέσσερας οχτώ γενεών. Batos, le Seigneur Apollon t'envoie dans la Libye riche en troupeaux, fonder une cité. Qui viendra trop tard dans la Libye charmante, un jour s'en repentira. Oui, génération d'hommes, c'est le temps qu'Apollon vous accorde pour régner sur Cyrène. En général, avant même la décision quant à l'organisation d'une expédition coloniale, on va interroger la Pythie. Donc, on se rend à Delphes pour consulter Apollon. Et Apollon répond par l'intermédiaire de la Pythie, qui est en quelque sorte sa prêtresse. Et des prêtres donnent aussi des interprétations de ce que la Pythie a dit. Et en général, ces interprétations sont formulées dans des énoncés et dans des énoncés à double sens. Le cas le plus connu, naturellement, c'est celui des Athéniens menacés à ce moment-là par les Perses, donc qui vont consulter l'oracle de Delphes pour savoir comment se défendre. Et l'oracle de Delphes leur dit de construire une muraille de bois. Alors, les Athéniens, naturellement, prennent l'oracle au pied de la lettre et construisent une muraille de bois autour de l'acropole à laquelle les Perses pressent de mettre le feu, ce qui va détruire l'ancien Parthénon, d'une part, alors que la Pythie entendait, avec la muraille de bois, de construire une flotte. Et c'est en effet grâce à la construction d'une flotte que les Athéniens vont remporter la bataille de Salamine et finalement se débarrasser de l'armée perse. Des principes qui fondent la démocratie athénienne, c'est le principe de l'isomoïria, c'est-à-dire donc la répartition égale qui fait que chaque citoyen a une part égale, et dans le cas particulier, une part égale du point de vue de du territoire et de l'habitat. Et il y a l'exemple de Megara Hyblea, qui se trouve donc à peu près au nord de Syracuse. C'est en Sicile, sur la côte est de la Sicile. Et en fouillant la ville, on s'est aperçu qu'elle était entourée d'une enceinte, d'une part, qu'elle connaissait une place qui servait d'agora. Sur le flanc de l'agora s'élevaient deux temples de style dorique, sans qu'on sache exactement quelles étaient les divinités qui y étaient vénérées. Mais ce qui est très surprenant pour nous, c'est qu'on a découvert que l'habitat lui-même était réparti selon un plan orthogonal. Donc là, est sans doute dans une pensée qui est une pensée de l'ordre de la démocratie, répartition égale des lots de terre, répartition égale aussi de l'habitat, ce plan orthogonal qui correspond à une espèce d'utopie et d'utopie politique qui a pu être réalisée à l'époque archaïque dans la mesure où on débarquait sur un terrain qui était vierge. Les communautés indigènes vivent en relation plus ou moins pacifique, mais elles aussi de manière autonome par rapport aux cités grecques elles-mêmes. Et puis il faut tenir compte aussi du fait que ces cités ont connu un développement tellement important, aussi bien du point de vue politique, religieux que culturel, qu'elles ont pu finalement rivaliser avec des cités comme Sparte dans un premier temps et Athènes dans un second. L'impression générale est plutôt celle d'une pénétration et d'une pénétration pacifique à l'égard des autochtones. Il semble néanmoins que Syracuse d'une part, mais aussi la petite cité que Rhodes avait fondée au nord de Syracuse, Gela, qui va devenir d'ailleurs la rivale de Syracuse, donc sur la côte est de la Sicile, que Gela et Syracuse semblent avoir été plus offensives vis-à-vis des populations autochtones. Néanmoins, les Kyliriens, la population donc qui, selon l'historiographie notamment d'Hérodote, habitaient sur le territoire de Syracuse, ont fini par céder des terres, c'est ce que dit la légende en tout cas, aux Syracusains. Les Kyliriens ont finalement été non seulement assimilés, mais ont fini par recevoir le statut de citoyen. Être citoyen à l'époque en Grèce, ça signifie d'une part posséder un lopin de terre, d'où on tire évidemment son revenu, et puis d'autre part participer à la défense de la cité, donc être intégré dans le stratos, être intégré dans l'armée. Et puis à côté de ces citoyens appartenant au démos, il y a notamment les métèques, il y a toute une série de catégories ou de groupes de populations qui ont certains droits, mais sans avoir naturellement les droits politiques. Thank you. Argonautes s'éloignèrent en ramant à l'envi. Le ciel serein, la mer unie et tranquille, favorisaient leurs efforts. Remplis d'allégresse, ils déployaient la force de leurs bras et faisaient voler le vaisseau avec tant de vitesse que les rapides coursiers de Neptune n'auraient pu l'atteindre. Vers la fin du jour, ils abordèrent alors sur un rivage voisin de la ville de Sius. Les Mysiens qui habitaient cette contrée, voyant arriver des étrangers qui n'avaient aucun dessein ennemi, leur accordèrent volontiers l'hospitalité et leur fournirent en abondance des vivres et du vin. Les uns vont chercher du bois sec, les autres étendent sur la terre des lits de verdure. Ceux-là versent du vin dans les coupes et préparent le repas, après avoir offert à l'entrée de la nuit un sacrifice à Apollon, protecteur des débarquements. Pindare, donc, dans un deuxième temps, nous parle du roi de la cité indigène, cette cité indigène qui est donc Irasa. Et ce roi de la cité indigène, hanté, au moment évidemment dans le temps des héros, se comporte comme un cruel barbare, il se comporte comme un sauvage, il offre en effet ses hôtes en sacrifice à Poséidon. Mais il a une fille particulièrement belle, et cette fille, il décide de la marier à un xénos, c'est-à-dire à un étranger, et cet étranger n'est personne d'autre qu'un grec qui s'appelle Alexidamos. Donc là, on voit très bien, par le biais du mariage, et par le biais du mariage avec un grec, on passe de la barbarie la plus complète, offrir sacrifice humain à la civilisation, et une civilisation qui est justement marquée par le mariage, et dans le cas particulier, un mariage mixte. Configuration de ce qu'on appelle le Panthéon varie et varie énormément d'une cité à l'autre. L'intégration elle-même de divinités étrangères telles Cybèle, par exemple, varie d'une cité à l'autre. Je vous rappelle que Dionysos joue un rôle extrêmement important dans le Panthéon athénien, dans les mythes, dans les légendes qui sont attachées à sa biographie, divine, le font toujours venir de l'extérieur. Il est toujours considéré comme un dieu étranger, mais un dieu étranger intégré dans la cité de Xénos à Athènes. Il devient le Eleutheros, donc le dieu libérateur. On a dit que c'était peut-être aussi le dieu des hommes libres, donc le dieu des citoyens. Le hasard a voulu qu'on ait retrouvé à Pithecus. Pithecus, donc, qui correspond à l'île de d'Ischia, dans la région de Naples, qui est pour nous la première colonie grecque en Italie, en Grande Grèce, date à peu près 770 avant notre ère, et on a retrouvé une très belle coupe d'art géométrique, une coupe grecque naturellement, qu'on a appelée la coupe de Nestor. Et pourquoi la coupe de Nestor ? Elle date elle-même, il faut le préciser, de la fin du 8e siècle, donc pratiquement du moment même de la colonisation, et elle porte une inscription. Elle porte une inscription en alphabet, naturellement, repris aux Phéniciens, et c'est une inscription qui est poétique, c'est-à-dire qu'elle est rédigée en hexamètre dactylique, donc exactement dans la même diction que la diction de l'Iliade et de l'Odyssée. Alors, malheureusement, l'inscription est fragmentaire, mais elle nous dit probablement « Je suis la coupe de Nestor, faite pour bien boire, celui qui vide cette coupe, aussitôt, le désir d'Aphrodite à la belle couronne le saisira. » Quand on pense à l'origine de l'alphabet, il faut se souvenir que l'alphabet grec, c'est un alphabet qui a été pris des Phéniciens. Or, le phénicien, c'était une langue sémitique dans laquelle on n'écrivait pas les voyelles, on n'écrivait que les consonnes. Ce qui veut dire que alpha, ça n'était pas une voyelle, c'était une consonne. Et les Grecs n'avaient pas besoin d'un certain nombre des consonnes du phénicien, et ils ont utilisé certaines lettres pour fabriquer leur alphabet, parce que en grec, si on ne met pas de voyelles, on ne comprend pas ce qui est écrit. Et il y a une autre chose qui est amusante, c'est que dans l'alphabet, chacun des mots de l'alphabet avait un sens. Alpha, c'est Alep, et Alep, c'est le bœuf. Et en effet, la lettre de l'alphabet phénicien s'écrit avec comme deux cornes, si vous voulez, qui sont en l'air. Mais pour écrire alpha, les deux cornes se sont retournées vers la droite. Et pour l'écrire le A majuscule du latin, les deux cornes sont descendues. Mmh. Ce qui veut dire qu'on a fait une espèce de tournant pour arriver à l'alphabet tel que nous le connaissons. Nombreux sont ceux qui, éblouis par les temples et les statues, la mythologie, la philosophie et l'art grec, affirment que la secrète mission de cette civilisation fut la beauté, que la Grèce a eu la tâche de convertir les cris inarticulés de l'Orient en paroles compréhensibles, de transformer les idoles difformes de l'Asie en statues harmonieuses, de transsubstancier la plantureuse Astarté en Aphrodite. Cependant, si nous voulons pousser plus loin notre examen, nous nous apercevons que le sens secret de la destinée grecque fut constamment la transmutation de l'esclavage en liberté. En effet, à travers tous les événements de l'histoire grecque, apparemment contradictoires, on découvre une harmonie interne, un élément immuable qui a constitué l'essence de cette race. C'est la lutte pour la liberté. Les Argonautes furent poussés tout le jour par un vent favorable, dont le souffle ne s'éteignit qu'au lever de l'aurore. Un golfe spacieux, entouré d'un rivage élevé, se présenta alors à leur regard. Ce fut là qu'ils abordèrent, au moment où les premiers rayons du soleil éclairaient l'univers. De tous côtés s'étendait un vaste marais dont les eaux, remplies de mousse et couvertes d'écume, étaient entourées de sables immenses d'où n'approchaient jamais ni les animaux terrestres ni les oiseaux. Le flux qui s'y fit sentir avec violence emporta tout à coup le navire au fond du golfe. On descendit à terre et, s'éloignant peu à peu du rivage, chacun fut saisi de frayeur en voyant devant soi un ciel immense. Et au-dessous, des plaines d'une étendue où régnait un morne silence. On n'apercevait ni source d'eau, ni sentier, ni cabane de pasteurs. « Quel est donc, se disait-il, cette terre où nous ont jeté les tempêtes ? Que ferons-nous si les vents nous forcent à rester ici quelque temps, puisque toute la côte n'est qu'un vaste désert ?» Ainsi, les Argonautes, abîmés dans leur douleur, se languissaient le long du rivage, souffrant les rigueurs de la faim et n'attendant que la mort. Les plus vaillants des héros, dans cet état affreux, allaient périr ignorés des mortels avant d'avoir achevé leur entreprise, lorsque des déesses, semblables à de jeunes filles, le corps couvert de peau de chèvre, furent touchées par leur sort. Vers le milieu du jour, dans le temps que le soleil dardait sur la Libye ses plus ardents rayons, elles s'approchèrent de Jason et lui dirent « Infortuné, pourquoi vous laissez ainsi aller au désespoir ? Nous sommes les divinités de ces déserts, déesses tutélaires et filles de la Libye. Nous savons que vous êtes partis de Grèce pour conquérir la toison d'or. Cessez maintenant de vous affliger et levez-vous. Aussitôt qu'Amphitrite aura dételé le char de Neptune, « montrez-vous reconnaissant vers votre navire. Portez-le comme lui vous a porté si longtemps. C'est ainsi que vous retournerez dans votre patrie. » En finissant ces mots, les déesses disparurent. Aussitôt, Jason rassembla ses compagnons et leur transmit l'oracle. « Compagnons, unissons nos efforts. » Et portons le navire sur nos épaules à travers les sables, en suivant la route que nous a montrée l'un des chevaux de Neptune. Chacun, approuvant son avis, se prépare à l'exécuter. Le dieu Triton leur apparut après quelques heures de marche, et, étendant la main et montrant de loin la mer, il leur dit « Voilà cette issue que vous cherchez. La mer qui est au-delà baigne les rivages de l'île de Crète et ceux du Péloponnèse. Voguez alors avec confiance, vous retrouverez enfin les terres de Grèce d'où vous étiez parti. » Lorsqu'un mortel errant loin de sa patrie, par un malheur trop commun, songe à la demeure chérie qu'il habitait, la distance disparaît tout à coup à ses yeux. Il franchit dans sa pensée les terres et les mers et porte en même temps ses regards avides sur tous les objets de sa tendresse. Aetomorpha, Merci à Claude Kalam, directeur d'études à l'EHESS en anthropologie historique des poétiques grecques et auteur de Mythes et histoires de l'Antiquité grecque, la création symbolique d'une colonie, édité aux belles lettres en 2011. Merci également à Mohamed Rouabi de nous avoir emmenés dans son périple avec les Argonautes et à Katerina Fotinaki pour son interprétation de la Pythie. France Culture. Les hommes aux semelles de vent. Itinérance en Méditerranée. Une grande traversée d'Odémilie Judaïc et Thomas Duterre. Aujourd'hui comme hier, nombreux sont les Grecs qui se voient contraints à l'exil. Katerina Fotinaki, elle, est arrivée en France en 2006, mais le feu sacré de sa terre natale ne l'a jamais quittée. À la fois chanteuse et professeure de grec ancien, elle met un point d'honneur à transmettre le glorieux héritage de ses ancêtres en mettant en musique des poèmes extraits du patrimoine antique et contemporain. Loin des problématiques politiques et économiques, rendons hommage à la culture grecque dans un entretien enregistré le 11 juin dernier. Katerina Fotinaki, bonjour. Bonjour. Vous êtes chanteuse grecque, vous nous avez fait l'amitié de nous rejoindre aujourd'hui. On vient d'entendre l'un de votre titre, Le soleil de la justice, que vous avez magnifiquement interprété, qui est un texte écrit par Odysseus Elitis, un grand poète grec. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu ce que raconte cette chanson, Le soleil de la justice? Alors, Soleil de la justice, c'est une musique de Mikis Todorakis et c'était très lié pour les Grecs, à la chute de la dictature. Et nous, quand on chantait ça à l'école, au fait de l'école, on le chantait, mais sans vraiment en être conscient de ce qu'on chantait. Parce que lui, il dit « Soleil de justice et toi, Myrte glorieuse, je vous en supplie, n'oubliez pas mon pays. » Et maintenant... C'était abstrait à l'époque pour vous. Ouais. Et maintenant, avec toute cette situation... Et j'avais l'envie de le réarranger pour le chanter comme une espèce de prière. Voilà, à chaque fois que je le chante, j'ai l'impression que je fais une prière pour que le soleil de justice revienne à notre pays. C'est une mélodie qui vient de 408 avant Jésus-Christ. Et c'est une mélodie de Euripide, paraît-il, pour sa tragédie Oreste. Une lamentation. C'est un genre de chanson qu'on a commun, nous et les Turcs, quand les Grecs ont quitté l'Asie mineure pour venir en Grèce. Kemal Atatürk, du pays de la Turquie, il a interdit les Amanés. Parce que ça rappelait beaucoup les Grecs. Qu'est-ce que c'est les Amanés? Amanés, alors, c'est une espèce de lamentation profonde et dure qui dit tout le temps Aman, Aman, Aman, Aman, Aman. C'est le blues grec. Oh, un peu, oui, oui, oui. C'est assez oriental. Et du coup, ça a été interdit en Asie mineure parce que ça rappelait les Grecs. Et après, ça a été aussi interdit en Grèce parce que ça rappelait les Turcs. Et je lis ces deux mélodies parce que je trouvais ça assez étonnant et assez touchant que dans 23 siècles, rien ne bouge vraiment. Vous savez, nous, les Grecs, notre patrimoine, il est si large et si lourd, lourd parfois. Mais c'est un choix de vie de dire que, voilà, ce truc lourd, moi je veux le porter, parce que c'est quand même nos racines. Nous, on vit en ce moment une situation presque surréaliste par rapport à l'Europe. C'est ça, vous lui avez donné naissance, mais vous avez bien failli la quitter, cette Europe. Ouais, ouais. Et la démocratie aussi, on l'a inventée. Et maintenant, où est-elle? Qui sait? J'essaie de regarder de moins en moins les nouvelles, le journal, et parce que je pense que l'image que les médias donnent de la Grèce, oh, pour nous, c'est si frustrante. Vous ne pouvez pas imaginer. Parfois, j'entre dans des taxis et je dis que je suis grecque. Et les conducteurs me disent « Alors, pourquoi vous ne payez pas vos impôts? Et pourquoi vous voulez tout le temps, vous avez cette dette? Et pourquoi vous êtes des feignants? » Voilà. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai appelé mon disque Didika. Didika, c'est les cigales. Et au bout d'un moment, quelqu'un nous a dit, vous savez que vous, Grecs, vous êtes les cigales de l'Europe. Et j'ai dit, bah oui, mais ce que vous ne savez pas est que Ésope a donné cette réputation horrible aux cigales en disant que c'était des feignants. Les cigales vivent jusqu'à 17 ans en dessous de la terre. Ouais. Depuis quand ils sont nés, et sont des œufs. Ils peuvent attendre jusqu'à 17 ans. Pour éclore? Ouais, et pour sortir et vivre pendant juste un été. Dites-moi, vous, cigales, messagères de l'été, est-ce que le roi soleil vit toujours? Et eux, heureusement, ils disent, il vit, en grec, ça veut dire il est vivant. D'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles je nommais mon disque Didika, parce que je trouvais que c'est un message très très optimiste. Et voilà. Merci beaucoup. Katerina Fotinaki chantera de concert avec les Cigales le 23 juillet à Arpaillargues, dans le Gard, dans le cadre du festival Autre Rivage, et le 31 juillet à Vaison-la-Romaine, dans le Vaucluse, dans le cadre du festival Au fil des voix. Son album Tsitsika, lui, est chez tous les bons disquaires depuis janvier 2014. Poursuivons maintenant notre réflexion autour de l'héritage grec ancien. On a coutume de dire que l'Iliade et l'Odyssée d'Homère sont les textes fondateurs de la culture européenne et que la civilisation grecque antique est le socle sur lequel repose le mode de vie occidental. Mais jusqu'à quel point sommes-nous vraiment les héritiers des premiers Grecs? Notre vision de la Méditerranée, notre perception des frontières et nos représentations à l'égard de la migration sont-elles vraiment comparables? Pour en discuter, je reçois aujourd'hui François Hartog, historien, directeur d'études à l'EHESS et auteur notamment de « Mémoires d'Ulysse », récit sur la frontière en Grèce ancienne, édité par Gallimard en 1996. Et Claire Rodier, juriste au GISTI, qui est le groupe d'information et de soutien des immigrés. Elle est cofondatrice et coprésidente de l'association Migre Europe, qui est un réseau de militants et de chercheurs visant à sensibiliser et à dénoncer les politiques européennes d'externalisation du contrôle des frontières. Bonjour à vous et bienvenue. Bonjour. Alors, on l'a entendu dans le documentaire, le voyage, l'exil étaient omniprésents dans le quotidien des Hellènes. D'ailleurs, François Hartog, vous parlez dans votre ouvrage d'Ulysse comme d'un homme frontière. Pouvez-vous nous dire comment les Grecs de l'Antiquité se représentaient la frontière et l'espace méditerranéen dans lequel ils évoluaient, s'il vous plaît ? Alors, première réponse, ça a varié. Entre le 8e siècle et le 5e siècle, et a fortiori Alexandre, la situation n'est pas la même, donc la représentation n'est pas la même, l'appréhension de la Méditerranée n'est pas la même. Vous venez de dire que l'Iliade et l'Odyssée sont considérés comme les textes fondateurs, oui, ils le sont. Il faudrait quand même ajouter la Bible. Absolument. Bon, qui n'est quand même pas la moindre. Ce ne sont pas les seuls, c'est sûr. Oui, non, mais voilà. Pour ce qui est de ce qui est un jour devenu l'Europe, il faut faire avec cela. Bon. Et Ulysse, alors, et ce personnage, oui, que j'avais appelé homme frontière, c'est-à-dire, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que par ce voyage qu'il effectue, donc qui est un voyage de retour, c'est quand même un point qui n'est pas négligeable, ça aussi. Il n'a qu'une idée, c'est de rentrer chez lui. Il est voyageur malgré lui. Malgré lui, il n'a aucune curiosité du monde, il s'en fiche éperdument. Bon. Premier point. Et il est homme frontière parce que, par les aventures qui lui adviennent, il fait l'essai dans son quotidien, si je puis dire, l'essai des limites. Des limites entre l'homme et l'animal, entre l'homme et les dieux, entre l'homme et les monstres. Et donc, à chaque fois, il va jusqu'au bord. Il risque de tomber, ou il pourrait tomber de l'autre côté, quand il va pour consulter aux enfers Tirésias. Il est là jusqu'au bord du trou où il risque de se casser la figure, et à ce moment-là, ce serait fini. Voilà. Donc c'est en ce sens. Et du même coup, il définit, non pas en termes de propositions discursives, mais il définit ce qu'on pourrait appeler une identité grecque. Mais avec beaucoup de guillemets. C'est-à-dire, il définit une condition humaine. Oui. Est-ce qu'on peut dire que cette identité grecque, elle est fondée sur une valeur essentielle qui est la liberté, ou pas ? La liberté, oui, mais là aussi, il faut tout de suite ajouter... La liberté, notamment, de circulation. Oui, la liberté de circulation. Enfin... Telle qu'on l'appelle aujourd'hui, mais enfin. Oui, mais cette liberté, il ne faut quand même pas oublier qu'elle est intimement liée à la non-liberté d'un certain nombre d'autres. Et que la civilisation antique, grecque, romaine et les civilisations orientales ont fonctionné comme ça. Donc dans un certain cas, il y en a seul qui est libre. Un seul qui est libre, c'est le roi, le pharaon, le souverain. En Grèce, on a quelques-uns qui sont libres, et puis les autres qui sont avec toutes sortes de statuts intermédiaires, mais enfin pas complètement libres. Et Rome, en gros, c'est la même chose. Bon. Et quant à cette vision de la Méditerranée, je crois... Bon, peut-être on peut, pour faire un lien avec le documentaire précédent, on a là une vision un peu, comment dire, un peu figée de la Grèce. Puisque d'un certain point de vue, cet héritage grec que l'on veut retenir ou dont on dit qu'on veut le retenir, on l'a avec nous, et puis, dans le même temps, on dit que les Grecs sont ces gens qui ne payent pas leurs dettes. Bon. Donc il y a quand même un héritage d'un côté, dette de l'autre, et nous nous disions jusqu'à récemment en dette vis-à-vis de la Grèce, bon, pour tout ce que vous avez montré dans le documentaire. Et aujourd'hui... Quand on dit dette grecque, ça veut dire la dette des Grecs envers nous. À l'égard des autres pays européens. Et du même coup, ça éloigne, à mon avis, d'autant la possibilité de se référer de manière vivante à cette Grèce antique. Puisqu'au fond, désormais, il y a un changement de sens du mot dette qui nous en sépare. Donc c'était peut-être une remarque un peu dans la situation paradoxale. Et autre élément paradoxal aussi, la situation aujourd'hui, c'est des migrants qui arrivent sur les îles grecques, ces îles d'où sont partis, entre le 8e et le 7e, 5e siècle, des centaines de personnes qui sont allées fonder ceci, un comptoir, une cité, enfin bon, voilà. Alors, vous disiez que la perception de la Méditerranée avait évolué au cours des siècles, on imagine bien. Hein. Mais est-ce qu'on sait, alors, en gros, comment ils se la représentaient? Parce qu'aujourd'hui, on a quand même un peu l'image. D'abord, on a l'image d'une Méditerranée qui nous appartient à nous, Européens. Je ne sais pas si vous allez être d'accord avec ça, mais c'est un peu mon sentiment. Et puis, on a aussi l'impression qu'on a, que c'est une Méditerranée frontière, barrière entre les peuples, oui, entre les rives. Est-ce que c'était déjà un peu cette image-là chez les Grecs anciens? Non, je ne crois pas. Et il faut bien se mettre dans la tête qu'il y a une différence fondamentale. C'est que dans cette période, ces périodes anciennes dont nous parlons, très anciennes, ce qu'on appelle la période archaïque, ces périodes très anciennes dont nous parlons, la Méditerranée, elle n'est pas sous le contrôle d'État. Il n'y a pas d'État qui soit, qui domine, bon, et qui par conséquent contrôle. Les grands, les monarchies orientales ne sont pas des puissances maritimes considérables. Bon, les Perses, ils sont très très loin, la mer, c'est quand même pas leur affaire. Les Égyptiens, pas tant que ça. Bon, donc, les Phéniciens, mais les Phéniciens, c'est petit, c'est pas, ils n'ont jamais instauré un véritable contrôle sur la Méditerranée. Et donc, toute cette période, au fond, la Méditerranée est ouverte, en un sens. C'est-à-dire, il faut imaginer que ces mouvements qui se sont étendus sur plusieurs siècles, qui ont quand même concerné des milliers de personnes, il y a toute une part de mouvements un peu, je dirais presque hasardeux ou hasard. Vous arrivez quelque part, vous vous installez, ça marche, bon, vous vous installez, puis à partir de là, vous pouvez aller fonder une autre colonie un peu plus loin, c'est le cas de Marseille, qu'on a évoqué, où vous fondez d'abord un comptoir, puis ce comptoir se développe, et ça devient autre chose. Donc, il faut plus, aujourd'hui, les gens qui travaillent sur ces questions ont plus tendance à utiliser l'approche en termes de réseau. Mmh. Donc, ce sont des mouvements, non pas complètement erratiques, mais ce sont des mouvements qui, par eux-mêmes, constituent cette Méditerranée grecque. En tout cas, ce que vous dites, c'est qu'effectivement, ça circulait énormément, les gens bougeaient énormément en Méditerranée, que ce soit les Grecs, mais aussi les Phéniciens, et puis par la suite, tous les peuples qui ont environné ce bassin. On est quand même bien loin de ce qu'on peut constater aujourd'hui. Claire Rodier, d'après vous, comment en est-on arrivé là, à un tel renversement? Mais je crois que ce qu'on vient de dire sur la liberté des uns qui se construit sur les entraves aux libertés des autres, pour le coup, reste assez contemporain, puisque comment on en est arrivé là? Il y a énormément de facteurs qui expliquent la situation migratoire aujourd'hui en Méditerranée et aux frontières de l'Europe, mais un des facteurs, c'est certainement la construction d'un espace européen sans frontières, notamment dans le cadre de cette convention de Schengen qui est remise en cause à chaque fois qu'il y a un ennemi à nos portes. Donc, avec un principe qui repose sur la suppression des contrôles aux frontières intérieures d'un espace, l'espace Schengen, devenu l'Union européenne, peu ou prou, avec comme contrepartie le renforcement des frontières extérieures. Donc on peut faire remonter au milieu des années 90 cette transformation de la politique migratoire un peu erratique pour le coup des différents États membres de l'Union européenne en une politique européenne hostile aux étrangers, qui a provoqué énormément de choses d'ordre divers, mais en tout cas ce qu'on a appelé des pressions migratoires à certains endroits qui se sont d'ailleurs déplacés, et c'est pour ça que maintenant l'essentiel arrive en Grèce et en Italie, au fur et à mesure que les politiques migratoires ont posé des verrous là où il y avait des sas et des espaces de circulation légaux ou non, mais en tout cas qui existaient. Je pense qu'il y a vraiment eu un changement quand l'Europe s'est transformée en ce que quelques-uns appellent, à tort à mon avis, en Europe forteresse, mais en tout cas avec l'idée de faire une forteresse pour protéger la liberté à l'intérieur de la cité européenne. Patrouille au-dessus de la Méditerranée. Chaque année, des centaines de milliers de personnes tentent de rejoindre l'Europe illégalement, souvent au péril de leur vie. Frontex, l'agence européenne pour le contrôle des frontières de l'Europe, lutte contre l'immigration illégale. Son rôle est controversé. Certains l'accusent notamment d'être co-responsable de violations des droits de l'homme. Mais que se passe-t-il au juste, aux frontières extérieures de l'Union européenne ? L'agence est une émanation de l'accord de Schengen, entré en vigueur en 1995. Suppression des contrôles aux frontières intérieures, suppression des visas, libre circulation des personnes dans l'espace Schengen. Tels en sont les grands principes. Les uns après les autres, les États membres de l'Union européenne y adhèrent, à l'exception de la Grande-Bretagne et de l'Irlande. Inévitablement, les contrôles s'intensifient aux frontières extérieures. Les ministres européens de l'Intérieur décident de créer Frontex, l'agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures. Depuis 2005, sa zone d'intervention s'étend de l'Afrique de l'Ouest à l'Europe de l'Est. Voilà, c'était un extrait du documentaire de Michael Richter sur les secrets de la forteresse Europe, comme vous le disiez si bien Claire Rodier, qui a été diffusé sur Arte le 8 octobre 2013. Alors justement, j'aimerais avoir votre avis, Claire Rodier. Comment expliquez-vous que dans le même mouvement, l'Union européenne ait à la fois ouvert ses frontières intérieures et fermé si drastiquement ses frontières extérieures ? La Convention de Schengen, elle comporte 141 articles. Il y en a un qui est consacré à la libre circulation à l'intérieur de l'espace formé par les États signataires, avec l'abolition des contrôles à ses frontières intérieures, et à peu près 139 qui sont consacrés aux mesures compensatoires par rapport au déficit de sécurité que cette ouverture des frontières internes n'allait pas manquer de provoquer. Donc voilà, on est dans un contexte où depuis le milieu des années 80, la communauté européenne, puis l'Union européenne, enfin ce qui est devenu l'Union européenne, a un objectif de libéraliser la circulation à l'intérieur du territoire formé par ses États membres pour faciliter les activités commerciales, les activités économiques. Essentiellement, la liberté de circulation au sens du traité de Rome, elle a été conçue comme un objectif économique. Liberté de circulation des travailleurs, disait-on au début, c'était pas les personnes, c'est devenu les personnes en 86. Donc il faut fluidifier la circulation de tout, des biens, des capitaux, des marchandises et accessoirement des personnes, parce qu'elles sont des agents économiques à l'intérieur de l'espace européen, mais dans le même temps, les États membres ont terriblement peur des conséquences que cette liberté de circulation peut entraîner. D'où cette convention qui prévoit énormément de dispositifs de parade à la liberté de circulation, avec la principale contrepartie qui est le renforcement drastique des frontières extérieures, mais aussi toute une politique qui s'est construite à partir des années 2000, une politique commune d'asile et d'immigration qui est essentiellement fondée sur la sécurité, c'est-à-dire on parle d'une politique sécuritaire beaucoup plus qu'intégrationniste, c'est-à-dire que jusqu'au début des années 2000, les textes programmatiques de ce qu'aurait pu être cette politique d'immigration et d'asile commune parlaient plutôt de comment intégrer les immigrés qui sont là depuis longtemps, comment accueillir de nouveaux immigrés puisque l'Europe a besoin de main d'œuvre, c'était beaucoup dit, a besoin de se renouveler sur le plan démographique. Et à partir de 2000 et 2001, 11 septembre aidant et le poids de cet objectif prioritaire qui est devenu en Europe la lutte contre le terrorisme international, l'association, l'amalgame qui est fait entre terrorisme international et étrangers et immigration irrégulière, tout ça a construit finalement une vision de la migration qui est une vision, comme je disais tout à l'heure, hostile et qui explique une multitude de dispositifs. Frontex est l'un d'entre eux, mais il y en a beaucoup d'autres qui ont pour objectif affiché, en tout cas, objectif réel, je ne sais pas, d'empêcher le passage de l'étranger. Oui, parce que vous disiez la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Donc plus on a accru la liberté des Européens, plus on a diminué, réduit celle des extra-communautaires. Parce qu'on voit que même ne serait-ce que se déplacer, avoir un visa touristique pour venir en Europe devient pour certains extrêmement compliqué. Pour certaines nationalités, oui. Effectivement, l'Europe, ça fait partie de ce qu'on appelle l'externalisation de la politique migratoire, c'est-à-dire que de plus en plus, la frontière de l'Europe, elle n'est plus aux frontières physiques, elle est dans les pays d'où veulent partir les personnes, au consulat des pays européens, où on leur refuse les visas, la plupart du temps, en tout cas, il y a des politiques extrêmement dissuasives à l'égard de certaines nationalités, en gros, tous qui est qualifié de risque migratoire. Voilà. Donc ça va très large, ça comprend énormément de pays, notamment en Afrique et au Maghreb. Mais il n'y a pas seulement la politique des visas, c'est-à-dire que l'Europe délocalise, envoie des fonctionnaires de la police aux frontières, en fait, dans des capitales de la plupart des pays, en tout cas d'Afrique de l'Ouest, pour assurer sur place le contrôle des frontières de ces États membres. Et Frontex joue un peu le même rôle, c'est-à-dire que la politique de l'Union européenne pour éviter d'avoir des migrants à ses portes, comme ça se passe en ce moment, il faudra peut-être aussi dire que c'est une politique qui est assez vaine, assez inutile, mais en tout cas, sa politique, tout est fondé sur la mise à distance des étrangers, la mise à distance aussi des réfugiés, ce qui est particulièrement inquiétant dans un contexte qui n'était pas celui-là il y a 10 ans ou 15 ans, on parlait surtout de migration économique, mais dans un contexte où ceux qui sont empêchés de venir sont des gens qui, au regard du droit international, approuvé et qui engage tous les États membres de l'Union européenne, ont toute légitimité, non seulement à entrer irrégulièrement sur le territoire des États européens, qui sont tous signataires d'une convention internationale sur les réfugiés, mais à y obtenir protection. Alors, à un moment dans le documentaire dont on vient de parler, on voit des affichettes pendues aux fenêtres d'un camp de rétention en Grèce sur lesquelles les migrants détenus ont écrit « Nous ne sommes pas des animaux, nous ne sommes pas des criminels, nous voulons juste être libres et vivre en paix ». Claire Rodier, est-ce que vous pourriez nous dire depuis quand migrer est devenu un crime ? Alors, ce qu'on appelle la criminalisation des migrants, en fait, ça existe dans les législations de pas mal d'États membres de l'Union européenne et dans la législation française depuis longtemps, par le simple fait que ne pas avoir de documents en état de validité dans un pays est une infraction, qui est pénale, qui peut être donc entraînée. Soit, selon les cas et les époques, une peine d'amende, une peine de prison. Et en plus, c'est aussi une infraction qui peut entraîner des mesures administratives, notamment d'expulsion. Ce qui a généralisé et qui a encouragé finalement ce qu'on appelle la criminalisation des migrants, c'est notamment le système de la détention des migrants en situation irrégulière qui n'a commencé à exister vraiment que, là encore, hein, vers les années 90. C'est-à-dire que pour renvoyer quelqu'un qui est en situation irrégulière, tous les pays européens maintenant placent cette personne dans un lieu qui n'est pas une prison, qui n'est pas un établissement pénitentiaire, puisque ces personnes n'ont été condamnées à rien, elles ne sont pas passées devant la justice, mais c'est une mesure d'accompagnement de la gestion de la migration de renvoi. Et la place prise par l'enfermement, on avait dénombré dans le réseau Migreurope au début des années 2000 environ 300 lieux de détention administrative pour étrangers sur le territoire des États membres. Et en 2012, quand on a fait la dernière version de cette carte des camps en Europe qu'on essaye de faire connaître, pour faire connaître cette réalité de l'enfermement, on en était à 450 ou 460, avec en moyenne 600 000 personnes qui passent par an dans ces lieux de détention, donc des personnes qui n'ont pas été condamnées, qui n'ont pas commis d'autres infractions que d'être en situation irrégulière dans un des États membres. Et sur ces 600 000 personnes, ce qui est intéressant, c'est qu'il y en a moins de 300 000 qui sont expulsées. C'est-à-dire qu'on a 50% des personnes qui restent enfermées dans des lieux de détention, comme en Grèce, comme en Italie, en France et un peu partout, au Royaume-Uni, avec des durées variables selon les pays, mais ça peut aller jusqu'à 6 mois, 1 an et jusqu'à 10, parfois 18 mois, pour rien. Voilà. Donc ça contribue pour rien, sinon donner une image négative des étrangers, puisque la population autochtone, en général autour des centres de rétention, perçoit très mal et persuadée avec des raisons de l'être que les gens qui sont là-dedans, s'ils sont enfermés, c'est qu'ils ont fait quelque chose de mal et qu'ils ont que c'était criminel. Voilà. Il y a vraiment un travail qui a été fait dans la durée pour donner des étrangers, des demandeurs d'asile, cette image aussi dégradée. Alors on passe de la compassion à l'hostilité, mais finalement, ça reste une image qui se dégrade de plus en plus. François Hartog, on est bien loin de l'image que donnait Socrate des habitants des rives de la Méditerranée. Il disait que nous étions tous des grenouilles autour d'un lac. C'est Platon qui disait ça. C'est Platon, oui, c'est Platon, c'est Socrate dans votre Platon. Socrate lui-même, il n'a pas dit grand-chose, mais oui. Oui, nous sommes ces grenouilles. Mais oui, nous en sommes très loin. Mais ces grenouilles, bon, on peut aussi interroger qu'est-ce que ça veut dire, ces grenouilles, quel est le statut de ces grenouilles qui sautent, comme ça. Bon, enfin, quel était-il? mais oui. Mais cette. Je crois qu'il. Enfin, pour peut-être aussi compléter un peu ce que j'ai dit tout à l'heure. Je vous ai dit, oui, la Méditerranée, au fond, il n'y a personne ne la contrôle. Dans l'Antiquité, dans l'Antiquité. Et même dans la haute Antiquité, puisqu'à partir, on voit bien qu'à partir du 5e siècle, Athènes joue un rôle important pour une partie. Ensuite, vous aurez Carthage qui va jouer aussi un rôle important pour une autre partie. Et on va avoir ensuite Rome et les batailles pour le contrôle, par exemple, de la Sicile, entre Rome et Carthage. Et avec Rome, alors je dis, on ne se met pas en place un contrôle de la Méditerranée, mais on entre quand même dans un système différent, puisque là, on a un centre, qui est Rome, la tête de l'Empire. Et cette expression que vont se mettre à utiliser les Romains pour parler de la Méditerranée, Mare Nostrum, notre mer. Bon, ce qui veut dire. Alors, ils n'ont pas mis des contrôles à chaque port, hein, mais voilà, c'est le contrôle, c'est chez nous. La maîtrise du territoire, ça a commencé à s'imposer dans les esprits à ce moment-là. Oui, enfin, c'est la suite aussi de ce qu'avait fait avant, je sais pas quoi, Alexandre vers l'Orient. Bon, mais on a de la dispersion polycentrique ou antérieure. Hein, au fond, il n'y a pas de centre organisateur. On passe à un autre où l'Empire romain fait que il y a bien un centre, c'est Rome. Vers laquelle convergent toutes les richesses, notamment tous les pillages, et puis après tout le blé d'Égypte, etc. Au commencement, il y avait une mer, la Méditerranée. Comment rester insensible à la douleur des populations entières qui meurent? La mer au milieu des terres. Comment fait-on pour rester insensible à ces drames quotidiens à l'ancien Matteo Renzi? Et on se demande comment cette beauté, la mer Méditerranée, peut-elle sauver le monde? Matteo Renzi. Comme l'aurait dit le grand écrivain Dostoïevski. De voir tout ce qui est sorti de cette Méditerranée, le commerce, la démocratie, l'agriculture, c'est fou, c'est l'invention du monde en Méditerranée. À l'heure où la communication nous permet de voir et de tout savoir. Comment rester indifférent? C'est tout le drame et la beauté de la politique. Cette Mare Nostrum, notre mer à tous. La Méditerranée. C'était une création sonore de Caroline Cartier, composée pour l'émission 3D de Stéphane Paoli et diffusée sur France Inter le 26 avril 2015. Alors, François Hartog, j'aimerais que vous nous disiez ce que vous pensez du fait que l'on donne aux opérations de contrôle de frontières de l'Europe des noms provenant de la mythologie grecque. Aînée, Hermès, Poséidon, Triton. C'est une assez triste ironie. Je ne connais pas le détail de ces appellations et à quoi elles renvoient et pourquoi c'est plutôt Aînée ou plutôt Poséidon ou Triton. Bon, évidemment, tous ces noms ont à voir avec la Méditerranée et avec des parcours dans la Méditerranée. Bon, Poséidon, c'est le seigneur des flots. Bon, donc, si on se prend pour Poséidon, ça veut dire qu'on règne sur les flots. Bon, si on choisit Aînée, le héros qui quitte Troie, erre pendant des années à travers la Méditerranée pour finalement arriver jusqu'en Italie et arriver, non pas de lui directement, mais arriver jusqu'à la fondation de Rome. Bon, donc on a, ce sont bien des, si vous voulez, des héros civilisateurs qui sont choisis. Donc je vous dis, je ne sais pas comment on les choisit. Je ne suis pas sûr qu'on sache exactement toujours les gens qui les choisissent, sachent exactement toujours pourquoi. Sinon que, voilà. Ça évoque de façon lointaine. Un fonctionnaire moyen de Frontex doit savoir qu'en effet, il y a eu Poséidon. Mais alors, parfois on dit Neptune, peut-être plus souvent, parce que, bon. Mais, oui, je pense pas. Enfin, je crois pas qu'il y ait beaucoup plus à dire que de voir cette ironie triste. Mais est-ce que, d'après vous, de façon peut-être même inconsciente, ça raconte cette façon que nous avons, Européens, de considérer que la Méditerranée nous appartient ? Moi, j'ai l'impression, effectivement, que l'Europe, d'une certaine façon, c'est l'Union européenne, en tout cas, l'Union européenne politique, c'est en quelque sorte approprier la Méditerranée depuis la fin du siècle dernier, et en particulier dans sa façon de parler de la coopération avec les pays de l'autre rive de la Méditerranée. Il y a plusieurs processus qui ont été lancés, des processus assez larges, hein, de coopération qui soit à la fois culturelle, commerciale, de beaucoup d'ordre. Par exemple, le processus euro-méditerranéen qui a été lancé en 95, processus de Barcelone, qu'on résume en disant processus Euromed, et qui inclut tous les pays de l'Union européenne, mais également, c'est un partenariat, tous les pays de l'autre côté, de l'autre rive de la Méditerranée. Mais pourtant, eux n'apparaissent pas. C'est-à-dire qu'on a Euromed, c'est l'Europe et la Méditerranée, avec ce qu'il y a au bord, quoi, qui n'est pas désigné. Un peu plus tard, parce que ce processus marche très mal, Nicolas Sarkozy, alors en quelle année, j'arrive plus à me souvenir maintenant, mais c'est un tel échec aussi, lance l'Union pour la Méditerranée. Cette Union pour la Méditerranée, elle inclut, encore une fois, les pays de l'Union européenne et le Maghreb, Machrek, les oui. pays du Moyen-Orient. C'était en 2007. Hein. 2007, voilà. Dans une vision, voilà, en tout cas, quelles que soient les intentions qu'il y a derrière. Alors après, quand on regarde le contenu, on voit que tout ce qui pouvait concerner la mobilité des personnes qui était affiché au départ est complètement restreint et que toute la question de la circulation est alignée dans un processus comme dans l'autre sur les objectifs de l'Union européenne dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire de canaliser la migration et surtout d'en faire gérer l'essentiel par ses partenaires un peu obligés. Mais voilà, en tout cas, indépendamment de ça, je crois que ces dénominations traduisent la conception qu'a l'Europe de cette mer-là. C'est ici, très exactement ici, au point de rencontre de l'Europe et de l'Afrique, au point de rencontre de la chrétienté et de l'islam, sur cette terre qui fut le foyer de la grande civilisation arabo-hispanique. C'est ici, dans cette ville de Tanger, qui fut tour à tour phénicienne, carthaginoise, romaine, byzantine, arabe, portugaise, anglaise, internationale. C'est ici que j'ai souhaité lancer à tous les peuples de la Méditerranée l'appel pressant et solennel à s'unir autour du plus beau et du plus grand des idéaux humains. Je veux dire à tous les Méditerranéens qu'ils ne seront réellement fidèles à l'héritage de culture, de civilisation, d'humanité, de foi, dont ils sont les dépositaires, que s'ils deviennent capables de comprendre que ce qui les sépare est infiniment moins important que ce qui les rapproche, et s'ils ont la volonté de se parler et d'agir ensemble au nom de tout ce que nous avons en commun. François Hartog ? Oui, on peut peut-être ajouter, il me semble, qu'en ce qui concerne la création de 2007 de l'Union Méditerranée, pour la Méditerranée, c'était aussi un objectif, c'était une manière pour la France de contrebalancer ce qui se passait au nord de l'Europe et de la France essayant toujours de jouer d'un côté, d'un coup au nord, un coup au sud, et de dire voilà, moi je vais construire quelque chose au sud. Bon, tout ça s'est effondré puisque de toute façon la crise est arrivée et c'était un système. C'était comme beaucoup d'initiatives de Sarkozy, c'est-à-dire que ça dure 15 jours, et puis voilà. Mais, oui, parce que l'Union pour la Méditerranée, ça n'a pas donné grand-chose. Oui, ça existe toujours, oui, mais c'est un peu une petite assemblée qui se réunit de temps en temps. Une assemblée à Malte, je crois. Oui, c'est ça, de temps en temps. Et, mais enfin, quand même, d'une manière plus large, il me semble que ce qu'on évoque, c'est que aussi longtemps que l'Europe a été un vrai projet politique, enfin, s'il y a eu un temps où l'Europe a été un projet politique, bon, c'est... l'attitude à avoir, la politique à avoir du point de vue des migrants prenait une tonalité ou aurait pu prendre une tonalité différente. À partir du moment où ça n'est plus un projet politique, où c'est simplement une espèce de gestion avec la production de normes et d'interdits et de défense et de protection, alors on est dans cette prolifération qu'on évoquait à l'instant. Et si on ajoute la crise de 2008, bon, et maintenant, donc cette peur qui est sur laquelle tout un tas de gens jouent, comme vous le savez très bien, cette peur de gens qui viennent toujours prendre les emplois que nous n'avons pas nous-mêmes. Bon, voilà. Mais c'est aussi le signe, la trace, la marque dans ce domaine-là du fait que l'Europe n'est plus un projet politique. 1975, les troupes du Nord-Vietnam et du Viet-Cong entrent dans Saïgon. Le gouvernement du Sud capitule. C'est le début de l'exode indochinois. Des milliers de personnes fuient ce régime qui les oppresse. Ce sont les boat people. Ils s'entassent sur des coques de noix pour fuir vers le large, en bravant les intempéries, les pirates, la noyade. Leur espoir, croiser un navire. En France, le comité Un bateau pour le Vietnam propose un pont aérien pour transporter vers l'Europe les réfugiés des camps de Malaisie et de Thaïlande. Plusieurs personnalités françaises, d'autre part, demandent que la France et les pays d'Europe donnent l'exemple en créant des camps de transit pour héberger les réfugiés. Parmi ces personnalités, Jean-Paul Sartre, qui s'explique ainsi sur son engagement. Nous l'écoutons. Les Briques, partis pour des hommes qui n'étaient sans doute pas de ceux qui étaient mes amis au temps où le Vietnam se battait pour la liberté. Mais ça n'a pas d'importance, parce que ce qui compte ici, c'est que ce sont des hommes en danger de mort. Et je pense que les droits de l'homme impliquent que tout homme doit entrer au secours de ceux qui risquent un danger de mort ou un danger de grand malaise. Telle est la raison pour laquelle je suis ici, c'est-à-dire abandonnant complètement mes opinions politiques et me mettant dans cette affaire du point de vue humain, c'est-à-dire du point de vue moral. Voilà, c'était il y a 40 ans. Avec 40 ans de recul, c'est un peu surprenant de voir combien la communauté internationale s'était alors émue du sort de ces réfugiés. Pourquoi les naufrages auxquels nous assistons maintenant depuis quand même plusieurs années en Méditerranée ont-ils mis tant de temps à commencer à soulever une indignation qui est encore bien loin de celle qu'avait soulevée la question des boat people? Qu'est-ce qui a changé en 40 ans, d'après vous, Claire Rodier? Je crois qu'on était encore... on était dans un contexte complètement différent. Il y a plusieurs facteurs, mais disons, globalement, voilà, il y avait un monde qui était relativement facile à comprendre, avec les bons et les méchants. On choisissait son camp des bons, on choisissait son camp des méchants, mais on savait à peu près. Mais en tout cas, on pouvait comprendre les enjeux. Et donc, il me semble que ça a beaucoup joué. Il y a aussi le fait que, par rapport à cette époque-là, les naufrages, ils étaient loin. C'est-à-dire qu'on a organisé un pont aérien contingenté. On faisait venir, alors on pouvait dire, on en prend, je crois qu'on en, la France en a accueilli 140 000, c'était beaucoup, c'était le plus important accueil en Europe, mais on pouvait dire, on en prend tant. Et pour l'Amérique du Sud, c'est pareil, ils n'arrivaient pas en parachute, quoi, ils n'arrivaient pas par la mer. On avait l'idée de la distance et de la possibilité, d'une certaine façon, que... ça pouvait être contrôlé. Je crois qu'aujourd'hui, le contexte est différent à ces deux égards-là. C'est que les situations sont beaucoup plus complexes. Les gens ont du mal à comprendre qui sont les méchants, qui sont les gentils, vers qui... quelles sont nos responsabilités et comment se définir, finalement, dans un monde extrêmement, extrêmement perturbé. Et puis, l'autre chose, c'est que la guerre, elle est à nos portes. C'est-à-dire que ça fait longtemps que c'était pas arrivé. Depuis l'ex-Yougoslavie, ça n'était pas arrivé à l'Europe d'avoir des gens à ses portes. Et jusqu'à présent, elle ne l'accepte pas, d'ailleurs. Elle ne dit pas que c'est à ses portes. Sur le plan juridique, d'ailleurs, ça se traduit de façon assez... Oui, parce assez, qu'il y a cette Méditerranée bénie qui vient voilà, faire Et faire c'est une bonne opportunité, puisque l'Europe s'est créé un instrument juridique qui permet... La protection temporaire et qui est destinée aux des réfugiés qui arrivent en cas d'afflux massif aux frontières. Et c'est vraiment destiné à des situations comme celles qu'on connaît depuis 4 ans avec les Syriens, sauf que l'Europe considère que la frontière, elle n'est pas atteinte tant que la personne n'a pas mis le pied en sortant de son bateau. Donc si elle se noie à 10 km, elle n'a pas atteint la frontière. Et on ne va pas déclencher les mécanismes juridiques qu'on a conçus pour accueillir les réfugiés. Donc il y a cette histoire de la proximité qui me semble, et de la distance qui me semble un facteur important. Quand on sait que sur 3,5 millions de réfugiés syriens, la France n'en a accueilli que 500, et quand on entend que malgré le principe de non-refoulement, il arrive que Frontex ou les gardes-côtes des pays de la rive sud de la Méditerranée... La Grèce notamment, l'Espagne également... Qui a été condamnée également, à plusieurs reprises pour ce qu'on appelle des pushbacks, c'est-à-dire Renvoient les migrants, ouais. Voilà, ouais. Voire qu'ils mettent parfois leur vie en péril, parce qu'on a vu des embarcations un petit peu bousculées par les bateaux de Frontex. Il y a d'ailleurs eu un certain nombre de procès, il y en a qui sont encore en cours. Sur ces questions-là. Finalement, est-ce que vous n'avez pas l'impression, Claire Rodier, qu'on est en train d'assister à la fin du devoir de solidarité internationale et à la fin du droit d'asile? En tout cas, le droit d'asile n'a jamais été, en Europe en tout cas, autant menacé qu'il l'est actuellement, puisqu'on assiste effectivement à des prises de position ouvertes, c'est-à-dire que les pêcheurs racontent des histoires depuis longtemps, les pêcheurs siciliens, de ce qu'ils ont vu, y compris des gens qui ont été repoussés par des bateaux militaires en Grèce, il y a eu des condamnations, etc. Mais je parle d'un affichage ouvert par des responsables politiques qui disent il faut renvoyer les réfugiés là d'où ils viennent, ce qui est quand même effectivement la mise à mal de toute la construction... La mise à mort de ces gens voilà, aussi. Et la mise à mort de ces gens, une construction qui date de la fin de la Seconde Guerre mondiale, et qui était une approche des Nations Unies sur l'accueil inconditionnel des réfugiés. Aujourd'hui, le ministre de l'Intérieur britannique dit qu'il faut les renvoyer chez eux et qu'ils meurent chez eux. Le ministre de l'Intérieur français ne dit pas tout à fait la même chose, mais quand il explique qu'à Calais, il y a beaucoup de monde maintenant et que c'est très difficile à supporter pour tout le monde, pour la population riveraine, pour ces pauvres migrants qui sont là, mais que c'est quand même une conséquence de l'opération Mare Nostrum italienne de sauvetage en mer, on se dit, mais qu'est-ce qu'il veut dire? Ça veut dire que ça aurait été mieux qu'on ne les sauve pas pour qu'ils ne soient pas à Calais en train de gêner la population locale et avoir la gale, il valait mieux qu'ils meurent avant. Enfin, voilà, c'est assez troublant, quoi. On est dans une période compliquée à cet égard et avec un lâchage, un cynisme dans le discours qui fait effectivement penser que... Les principes de droit d'asile tels qu'ils ont été construits en 1946 et dans les années 50 sont en train de s'effondrer complètement. Mais vous pensez qu'il peut disparaître complètement ? Je ne sais pas comment ça va se passer, mais en tout cas, on est dans une période de crise pour le droit d'asile, ça c'est sûr, et pour les réfugiés. Alors, on imagine bien que face à Frontex, pour les migrants, c'est un peu le combat de David contre Goliath. Et pourtant, malgré son budget pharaonique et ses techniques de pointe quasi militaires, Frontex a bien du mal à tarir le flot des migrants. Claire Audier, pourquoi Frontex, finalement, ça ne marche pas ? Écoutez, moi je pense que rien ne peut vraiment entraver les déplacements humains. Voilà. Alors on peut les bloquer à un moment, on peut les rendre très difficiles, on peut filtrer, mais on ne peut pas empêcher des gens de bouger, sauf à les tuer. On peut s'engager dans cette... on pourrait imaginer ça comme solution. Mais sinon, il n'y a pas. Donc, en fait, le système de Frontex qui a commencé à se déployer en 2006 entre l'Afrique de l'Ouest et les Canaries consiste à poser des verrous à des points identifiés comme des points de passage stratégiques des migrants. Ça a été le détroit de Gibraltar, ça a été ensuite le passage justement le Bosphore. Quand on reste à l'ouest, c'était le passage entre la Mauritanie et une île canarienne. Ensuite, effectivement, Lampedusa. À de nombreuses reprises. Alors, on a fermé le passage de Lampedusa, pas forcément à cause de Frontex, mais grâce à la collaboration de Kadhafi, qui savait jouer des migrants comme d'une menace. Donc, de temps en temps, il ouvrait le robinet à migrants, de temps en temps, il le fermait pour faire pression sur l'Italie et sur l'Union européenne. Les flux se sont toujours déplacés vers l'Est. Jusqu'à ce qu'on organise cette très grosse opération Poséidon dans les îles grecques pour essayer de protéger cet archipel, mais qui est vraiment très difficilement contrôlable. Face à des besoins qu'ont les gens de partir de chez eux et d'aller de l'autre côté de la rive, tous les dispositifs qu'on peut mettre en place ne seront jamais efficaces sur le long terme. Ils le sont à court terme, malgré le triplement, quadruplement, quintuplement des moyens mis à la disposition de cette agence et tous les drones qui commencent à s'installer en Italie et à Malte, ça n'empêchera pas les migrants de passer. François Hartog, j'aimerais beaucoup vous concluer cette émission pour nous. Je crois que ce type d'aller-retour, si vous voulez, entre ce passé lointain et aujourd'hui, c'est un moyen de voir avec une certaine distance, de prendre une certaine distance par rapport à ce présent et de mieux en saisir les traits distinctif ou les traits nouveaux ou les traits qu'on souhaiterait plutôt ne pas y voir. Voilà. Donc c'est une invitation à ce type de travail de comparaison, me semble-t-il, qu'on peut tirer d'une émission comme celle-ci. Et à rappeler le fait que les choses sont changeantes et que la situation que l'on connaît aujourd'hui n'a pas toujours été celle-là, que demain les choses vont peut-être changer. Voilà. Il ne faut pas oublier que... Oui, non, il faut pas... C'est les leçons de l'histoire. Non, il n'y a pas de fin. Il n'y a pas de fin. Bon. Et toute personne qui déclare, se prononce sur la fin advenue ou en passe d'advenir, c'est une preuve d'arrogance considérable. Donc je crois qu'il vaut mieux avoir une certaine humilité et dire, alors ça ne signifie pas qu'on peut être ravi de ce qui se passe actuellement, mais surtout pas d'entonner ces espèces de cantiques sur la thématique de tout s'écroule, tout disparaît, tout fout le camp, comme on dit, mais essayer de comprendre justement ce qui fait que nous sommes dans de telles situations actuellement. L'Orient cherche son souffle et l'Occident s'enflamme. Des loups, les peuples aiguisent haine et couteau. Du barbare, le défoulement amplifié les siècles nous le renvoie. pour quel tyran et quelle couronne travaille la sorcière dans le ventre de la terre. Tremblent les flottes, les ports, la haute mer. Mais si par miracle le rêve s'exauce et la tempête accouche d'un nouveau monde, est-ce sur le chaos que bâtirait ses piliers l'Europe unie? La victoire glorieuse viendra un jour. Démocratie. Démocratia. Santi doxa me se ambote kiniki. Démocratia. Merci à tous. Je rappelle que François Hartog, vous êtes l'auteur notamment d'un ouvrage intitulé « Mémoires d'Ulysse », récit sur la frontière en Grèce ancienne, édité par Gallimard en 1996, et également d'un ouvrage récemment paru en 2015, édité chez Flammarion, et qui s'intitule « Partir pour la Grèce ». Claire Audier, vous avez publié « Xénophobie Business » à la découverte en 2012. Toutes les informations bibliographiques et musicales sont référencées sur le site internet de notre émission, qui, je vous le rappelle, reste écoutable pendant 3 ans et podcastable pendant 1 an. Un grand merci à Katerina Fotinaki, dont les chants, les poèmes et la voix suave ont si joliment accompagné notre itinérance en Méditerranée. Prise de son et mixage, Alain Joubert et Jean Frédérix. Préparation, Flora Isidore. Réalisation, Thomas Duterre. Les hommes aux semelles de vent, Itinérance en Méditerranée, une émission d'Odémilie Judaïque. Demain dès 9h, les hommes aux semelles de vent feront route avec les nomades d'Asie centrale qui donnèrent naissance à l'Empire ottoman et lui permirent de s'étendre d'Alger à la Mecque et de Bagdad à Belgrade. À demain sur France Culture.